Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'assassinat du préfet Claude Erignac. Le 6 février 1998, le préfet de Corse est assassiné dans les rues d'Ajaccio. Une transgression absolue. C'est le premier préfet assassiné en France, le premier haut représentant de l'État depuis la Libération. L'émotion dans toute la France est à la mesure du symbole. S'ouvre alors l'une des plus grandes affaires politico-judiciaires de ces dernières décennies, l'une des plus complexes également. L'affaire Erignac nous plonge au cœur du contexte corse, à un moment charnière de la lutte des mouvements nationalistes. Cet attentat, perpétré contre le plus haut représentant de l'État français sur le territoire insulaire, est le point d'orgue, l'acte le plus grave de la lutte de libération nationale que mènent les militants indépendantistes depuis 30 ans. L'enquête qui suit, l'assassinat du préfet, se déroule sur plusieurs mois, et malgré des moyens impressionnants, elle présente de nombreuses failles. D'incroyables rebondissements sur fond de rivalité entre les différents services de police et une situation politique tendue par la cohabitation émaille les avancées policières et judiciaires. De l'arrestation des membres du commando à leur procès, en passant par l'incroyable cavale du principal suspect, Yvan Colonna, le dossier Erignac, hautement sensible, révèle à quel point l'île de Beauté est trop souvent la terre de bien des exceptions. Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Verne, journaliste indépendant et spécialiste de la mafia corse. Il a dirigé l'ouvrage collectif intitulé « Juge en Corse », édité récemment chez Robert Laffont. Il nous attend dans les studios de Radio France à Marseille. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Ajaccio, Corse du Sud, le 6 février 1998. Il est 9h10, vendredi soir, quand le préfet Claude Erignac, en compagnie de sa femme, Dominique, quitte le palais de l'Antivie qui abrite la préfecture. Le couple va assister à un concert de musique classique au théâtre Calisté, situé à quelques kilomètres de là. Ce haut fonctionnaire, en poste depuis 2 ans, est réputé pour ses habitudes de simplicité. On le voit souvent à vélo dans la ville ou le dimanche sur la place du marché. Il n'a pas de chauffeur ou de protection rapprochée, non, il conduit lui-même sa voiture, ce soir-là. À la recherche d'une place pour se garer, il laisse sa femme descendre devant le théâtre et se dirige vers le cours Napoléon, perpendiculaire à l'avenue Jean Colonna d'Ornano, où se trouve le théâtre. Claude Erignac trouve une place et remonte ensuite l'avenue à pied. À 21h06, des coups de feu retentissent. Claude Erignac s'écroule. Une première balle l'atteint dans la nuque. Le tireur est dans son dos. Il s'avance et devant le préfet à terre, l'achève de 2 balles dans la tête. Des témoins assistent à la scène. Le tireur, d'un calme absolu, toise l'un d'eux pendant plusieurs secondes. Accompagné d'un autre homme, il prend le temps de sortir le chargeur de son pistolet et dépose son arme à côté du corps du préfet avant de prendre la fuite. Il faut à peine quelques minutes pour que la nouvelle de l'assassinat de Claude Erignac se propage. L'agitation gagne peu à peu la salle du théâtre, puis le voisinage et bientôt l'île tout entière. Les programmes télévisés s'interrompent pour relayer l'information. Bonsoir à tous. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir à Ajaccio par 2 inconnus. On peut pas faire une Corse avec des gens qui tuent, c'est pas possible. Claude Erignac, 60 ans, originaire de Mende, en Lozère, avait fait toute sa carrière dans les cabinets ministériels et le corps préfectoral, nommé par le gouvernement Juppé il y a 2 ans. Au moment où il a été tué, Claude Erignac, sans protection particulière, s'apprêtait à rejoindre son épouse dans un théâtre en ville, afin d'y assister à un concert de musique classique. Mais c'est très grave pour la Corse, madame, c'est tout ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, je vous demande de faire silence. Oui, monsieur le président. Nous venons d'apprendre l'assassinat en pleine rue du préfet de Corse, monsieur Claude Erignac. Pour dire notre indignation, je crois, unanime face à cet acte odieux, je vous demande de bien vouloir interrompre nos travaux quelques instants et de bien vouloir avoir tous ensemble quelques instants de recueillement. Il n'y a pas de mots, c'est de lâche. C'est immonde, c'est tout ce qu'on veut. Et pour le préfet, et pour tout ce qui se passe en Corse. Inévitablement, c'est la stupeur et l'effroi qui dominent à l'annonce de l'assassinat du préfet Claude Erignac. L'émotion est unanime. Sur l'île, comme en métropole, les drapeaux sont en berne parce que le contraste est fort entre la violence de l'acte et la réputation de la victime, connue pour être ferme, certes, mais juste et profondément attachée à l'idée de la République. Âgé de 60 ans, ce haut fonctionnaire à la carrière exemplaire était proche de la retraite. Depuis 30 ans, la Corse est le théâtre d'une lutte sans fin menée par les militants indépendantistes contre l'État français qu'ils considèrent comme État colonial. Au nom du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, créé en 1976, de nombreux attentats sont commis au cours de ce qu'on appelle les nuits bleues contre des bâtiments publics ou des représentants de l'État. L'organisation, considérée comme terroriste par les autorités nationales, est basée sur la clandestinité et se dit financée par ce qu'elle appelle l'impôt révolutionnaire, du racket en fait. Face à cette situation, les gouvernements successifs alternent discours de fermeté et périodes de négociation. De ce côté, le mouvement nationaliste connaît de nombreuses crises, notamment au milieu des années 90, avec la scission entre le FLNC canal historique et le FLNC canal habituel. Au cœur de cette rupture, il y a une opposition sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'État. Les règlements de compte internes se multiplient, la rupture s'amplifie au sein du mouvement et pousse à la radicalisation d'une partie de ses membres. C'est dans ce contexte troublé que survient l'assassinat du préfet Erignac. La classe politique prend les devants. Le Premier ministre, Lionel Jospin, dénonce un acte abject et inqualifiable. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, parle de cause sacrée, se rend immédiatement à Ajaccio pour superviser l'enquête. Enfin, Jacques Chirac, le président de la République, prend la parole dès le lendemain. Dans cette froide journée d'hiver du 7 février 1998, les traits tirés, vêtus d'un manteau et d'une écharpe noire, Jacques Chirac s'avance sur le perron de l'Élysée. L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare, d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire. J'ai exprimé personnellement à Madame Erignac et à ses enfants, au nom de tous les Français, mon émotion et mes condoléances. Claude Erignac était un grand serviteur de l'État qui mettait toute son énergie, tout son cœur au service de sa mission en Corse. Je souhaite que toute la lumière soit faite le plus rapidement possible par les services chargés de l'enquête et que la justice puisse punir les responsables de ce crime odieux. L'enquête démarre sur les chapeaux de roue. Des moyens importants sont mis à disposition des autorités. Sur place, la police judiciaire d'Ajaccio est en charge des premières opérations. Elle est rapidement rejointe par la division nationale antiterroriste menée par Roger Marion. D'emblée, la tension est prégnante entre les deux entités. Roger Marion est pour le moins surpris de constater que la rue où a eu lieu l'assassinat du préfet est rendue à la circulation dès le lendemain du drame. Les téléspectateurs assistent alors, médusés, à l'interview d'un passant qui découvre en direct, face à la caméra, une douille de l'arme utilisée. L'arme du crime, justement, c'est le seul élément matériel qu'ont les enquêteurs. Aucune empreinte. Les témoins parlent de deux ou trois hommes de taille moyenne, de type méditerranéen, un brun et un blond. Certains évoquent, sans être sûrs, le port d'une perruque. C'est donc l'arme du crime qui concentre toute l'attention. D'ailleurs, la façon dont le tireur l'a laissée sur les lieux ressemble à une signature. Hypothèse rapidement confirmée, le numéro de série du Beretta 9 mm renvoie à une arme volée au cours de l'attaque d'une gendarmerie à Pietrosella qui a eu lieu le 6 septembre 1997, quelques mois avant l'assassinat du préfet. Le 9 février 1998, trois jours après l'assassinat de Claude Erignac, un texte de revendication parvient aux enquêteurs. Il est signé par un groupe baptisé les Anonymes. Il mentionne le numéro de série de l'arme du crime qui confirme les liens entre l'assassinat du préfet et une série d'actions antérieures. Celle de la gendarmerie donc, mais aussi des attentats contre l'ENA à Strasbourg et des établissements thermaux à Vichy. Dans le texte, ces assassins accusent Claude Erignac d'avoir incarné l'action d'un État colonial sourd aux revendications nationalistes. De son côté, pour réaffirmer sa reprise en main, le gouvernement nomme un nouveau préfet, Bernard Bonnet, quelques jours seulement après la mort de Claude Erignac. Les plus hautes autorités de l'État se sont exprimées avec beaucoup de force en insistant sur le fait que dans cette île, les lois de la République doivent être appliquées sans défaillance et s'appliquer à tout le monde. Car ce qui me frappe dans cette île en reprenant contact, c'est ce besoin de justice ressenti par la population qui souhaiterait que l'autorité de l'État s'exerce de manière égale pour tous. Et également ce besoin de paix. Bernard Bonnet est précédé d'une réputation d'homme ferme et efficace. Une image que veulent renvoyer les autorités. D'ailleurs, une vague de répression s'abat sur la Corse. Des centaines de personnes sont arrêtées dans le rang des nationalistes. En plus des textes de revendication, le nouveau préfet s'appuie sur deux autres communiqués diffusés par un mystérieux groupe Sampierrou quelques mois avant l'assassinat du préfet. Dans l'un d'eux sont évoquées des menaces justement contre les hauts représentants de l'État en Corse. Ce qui ressort surtout de ces deux communiqués, c'est qu'ils mettent en cause, à mots à peine couverts, un certain Marcel Lorenzoni. Cet agriculteur, ancien militaire, militant nationaliste bien connu des renseignements généraux, est le leader du mouvement de contestation contre l'endettement agricole des paysans corses. Il s'agit du dossier le plus sensible sur lequel travaillait Claude Erignac avant son exécution. Pour les enquêteurs, Marcel Lorenzoni est donc le principal suspect dans ce qu'on appelle la piste agricole. D'autant qu'on retrouve chez lui des armes et des explosifs. Il est rapidement mis en examen et incarcéré, mais il nie tout en bloc. Le temps passe, les enquêteurs approfondissent une piste agricole qui s'enlise à mesure que les mois filent. En décembre 1998, 10 mois après l'assassinat du préfet Erignac, plus de 300 personnes ont été entendues, des dizaines mises en examen, mais sans aucun résultat probant. Le dossier est au point mort, et c'est une toute autre affaire qui lui donne un coup d'accélérateur. Au lendemain de l'assassinat du préfet Erignac en Corse, il y a plus d'un an, le gouvernement français avait choisi Bernard Bonnet pour rétablir l'état de droit dans l'île. Et le nouveau préfet avait lui-même choisi la gendarmerie pour conduire son opération main propre. La gendarmerie parce que c'était l'armée, la République, l'obéissance, la discipline. Or voilà qu'on apprend aujourd'hui que 3 gendarmes auraient eux-mêmes organisé un attentat et incendié un restaurant de plage d'Ajaccio en tentant de faire porter le chapeau aux nationalistes. Et voilà donc que tout l'édifice s'effondre. Les gendarmes, le préfet, l'État, la République. Si l'un ment, les autres peuvent mentir aussi. Le doute est là, désormais. En avril 1999, alors que le dossier du préfet Erignac patine depuis plus d'un an, Bernard Bonnet et son successeur fait la une de l'actualité. Quelques jours auparavant, dans la nuit du 19 avril, un incendie criminel a ravagé la paillote chez Francis, une opération de barbouze lamentable. Après une enquête rapide, 5 gendarmes sont arrêtés. Et ils reconnaissent l'incendie volontaire de la paillote et expliquent que l'action a été ordonnée par le préfet Bernard Bonnet, qui est à son tour incarcéré. Un préfet assassiné, son successeur en prison, pourrait presque en sourire si l'affaire n'était pas si dramatique. Le 18 mai 1999, la femme de Bernard Bonnet, sur demande de son mari, donne une interview à La Voix du Nord, dans laquelle elle déclare que son époux a notifié depuis plusieurs mois les noms des hommes qui ont participé à l'assassinat du préfet. C'est ainsi que l'affaire des paillotes relance le dossier Erignac. Pourquoi cette menace, qui ressemble fortement à du chantage, est-elle lancée par Bonnet depuis sa cellule? Pour comprendre la situation, il faut revenir quelques mois en arrière. Dès son arrivée en poste, Bernard Bonnet, alors qu'il n'en a ni les prérogatives ni les compétences, décide de mener sa propre enquête, avec l'appui des gendarmes du groupe de peloton de sécurité. Il commence à voir à plusieurs reprises un informateur secret qu'il surnomme Corté. Or, ce Corté se révèle rapidement bavard et plutôt bien informé. Il donne les noms de plusieurs membres du groupe qui auraient organisé l'assassinat de Claude Erignac. Problème. Bernard Bonnet se garde bien de prévenir Roger Marillon à la DNAT ainsi que les juges d'instruction en charge du dossier. Non, c'est à Matignon qu'il adresse ses notes. Situation chaotique où plusieurs enquêtes sont menées parallèlement avec des services de police et de gendarmerie en concurrence et un préfet qui outrepasse largement ses fonctions. La situation vire à la crise politique. Les députés de l'opposition déposent une motion de censure contre le gouvernement Jospin. Les autorités se doivent de réagir. Le 21 mai 1999, l'information tombe. En Corse, les policiers ont ratissé large ces dernières heures. Hier et aujourd'hui, ils ont interpellé ou interrogé une douzaine de personnes proches du militant nationaliste Alain Ferrandi, lui-même arrêté. 6 personnes ont été transférées à Paris et les compagnes de 3 d'entre eux sont toujours gardées à vue à Ajaccio. Michel Colaccioni, vous êtes en direct avec nous de Corse. Les policiers pensent tenir le groupe opérationnel de l'assassinat du préfet Erignac et comme ils ne disposent pas de preuves tangibles mais simplement d'indices, ils veulent manifestement faire pression sur l'entourage des suspects. Effectivement, faute de preuves, faute de charges formelles, qui manquent toujours depuis 15 mois quand même, les enquêteurs travaillent avec des présomptions lourdes. Vous disiez, pas de preuves, mais des présomptions suffisantes pour que le juge Bruguière poursuive l'action psychologique, tout en parvenant, il faut le signaler, à calmer le feu de la paillote qui avait embrasé le monde médiatique ces derniers jours. Dans la nuit du 21 au 22 mai 1999, 15 mois après l'assassinat du préfet, la DNAT interpelle 4 militants nationalistes, Alain Ferrandi, Pierre Alessandri, Marcel Istria et Didier Maranelli, ainsi que les compagnes de 3 d'entre eux. Cette fois, les enquêteurs sont presque sûrs d'avoir mis la main sur les hommes du commando Erignac. Les 4 hommes sont immédiatement transférés à Paris pour être interrogés. Depuis le mois de janvier 1999, les policiers ont accès à l'ensemble des échanges téléphoniques passés dans le périmètre de l'assassinat du préfet. À l'aide d'un nouveau logiciel, ils recoupent, trient, analysent les 3600 appels émis au moment du crime. Ils arrivent à en isoler 8, intéressants, passés entre 20h16 et 20h57, entre le secteur de la préfecture et celui du théâtre. Le premier correspond à un téléphone portable de l'hôtel Grand Bleu, à Cargèse. Le second à une compagnie de location de voitures. Les caractéristiques des échanges répétés courts pourraient correspondre à l'organisation de l'attentat. Les enquêteurs identifient rapidement les utilisateurs potentiels de ces téléphones, Didier Maranelli, comptable à l'hôtel, et Alain Ferrandi, propriétaire de l'entreprise de location de voitures. Les deux hommes sont des nationalistes connus des services, comme on dit. Les enquêteurs le savent, tout se jouera pendant la garde à vue. Les 4 suspects commencent par nier. Ils ont tous un alibi que leur femme confirme. Mais au bout de quelques heures, l'épouse de Didier Maranelli craque. Puis, c'est au tour de Didier Maranelli lui-même de vaciller dans la nuit suivante. Il reconnaît avoir participé à l'assassinat du préfet le soir du 7 février 1999. Il explique que le groupe des anonymes est composé de 7 hommes, dont 6 étaient présents le soir de l'attentat. Il détaille toute l'organisation du commando, le rôle de chacun, sans mentionner le nom de ses acolytes qu'il remplace par des X. Mais après plusieurs heures d'interrogatoire, il se décide à donner les identités. Pour les plus importantes, X2, le tireur, et X3, celui qui le secondait en cas de défaillance ou d'imprévu. Il s'agit respectivement d'Ivan Colonna et de Pierre Alessandri. Ce même Alessandri confirme à son tour sa présence et son rôle. Enfin, Alain Ferrandi passe lui aussi à table. C'est lui le chef des anonymes et du commando. Sa femme indique l'avoir vu rentrer à la maison ce soir-là en compagnie de Pierre Alessandri et d'Ivan Colonna. Seul Marcel Istria nie toute participation. Pour les enquêteurs, c'est suffisant. Ses aveux circonstanciés corroborent les preuves téléphoniques. Il ne reste plus qu'à arrêter les 3 protagonistes restants, Martin Ottaviani, Joseph Versini et le tueur présumé, Ivan Colonna. Oui, sauf que le 22 mai 1999, le journal Le Monde publie un article dans lequel il révèle que les auteurs de l'assassinat d'Erignac ont été arrêtés. Et le même jour, Ivan Colonna, en Corse, organise une conférence de presse sur TF1. Moi, je ne peux pas empêcher la police de faire son enquête. C'est pas mon rôle. Hein. Moi, personnellement, j'ai quitté le mouvement national. Je suis toujours nationaliste. Et j'ai quitté le mouvement nationaliste depuis 95, depuis fin 95. Et je ne milite plus, on m'accuse de faire, moi je dis qu'une chose, prouvez-le. Moi je suis serein par rapport à ces accusations. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien, donc je ne vois pas pourquoi et cet acharnement. Maintenant, ça devient grave parce qu'on s'attend à tout. On s'attend à tout. Quand on présente des gens comme des assassins ou comme un peu des extrémistes, des radicaux à grand renfort de publicité, quand les noms sont jetés en pâture, et on peut s'attendre à beaucoup de dérives. Le lendemain, le 23 mai 1999, les policiers interpellent Martin Ottaviani et Joseph Versini. Yvan Colonna, lui, est introuvable. La veille, il a pris le maquis. Nouvel échec dans l'enquête Erignac. La traque d'Yvan Colonna, elle, commence. Retrouvez-moi au bord du lac, à la nuit tombée. Fuyez le palais par le parc, il faut y aller. N'emportez que le nécessaire, l'or et les bijoux. Abandonnez nos affaires, oubliez tout. Laissez sonner le téléphone, ne décrochez pas. Ne parlez surtout à personne d'autre que moi. J'ai déconné. Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Paguerai la nuit entière, tout ira bien. Nous aurons passé la frontière au petit matin. J'ai des amis là-bas derrière, prêts à nous aider. Nous reviendrons quand la poussière sera retombée. Le 25 mai 1999, Jean-Hugues Colonna, le père d'Yvan, ancien député socialiste, lance un appel à son fils. Bien, je vais m'adresser directement à lui pour dire, Yvan, je veux te dire et te répéter que je t'aime et que c'est pour cela, pour ton fils, pour toi-même, pour ta défense avec nous, que je te recommande de te mettre à la disposition de la justice. Pendant que la traque du principal suspect s'organise, les enquêteurs renouent les fils de plusieurs mois d'enquête. Au cours de leur garde à vue, les membres du commando Erignac expliquent leurs gestes et livrent de nombreuses informations. Ils reviennent d'abord sur la genèse du groupe des Anonymes. Âgés d'une quarantaine d'années, ces militants nationalistes de longue date, situés dans la région de Cargès-Hexagone, connus de la plupart des renseignements de police, se sont réunis autour d'une déception commune, oui, celle de voir la cause nationaliste originelle se perdre dans les méandres des luttes fratricides, de l'affairisme avec le milieu corse, ou encore des compromissions avec Paris. Pour relancer le mouvement, ils décident une série d'actions à l'encontre de l'État, à Strasbourg, contre l'ENA, à Vichy et contre la gendarmerie de Pietrosella. Face à l'absence de réaction des autorités, il décide alors de passer à un niveau supérieur, l'assassinat du préfet de Corse. Par ailleurs, les membres du commando reconnaissent l'existence d'une deuxième cellule, appelée cellule du Nord, située à Bastia. Ce groupe, les intellectuels, comme l'appellent les enquêteurs, se compose de deux professeurs, en fait. Oui, deux. Jean Castella, 43 ans, enseignant en histoire géo, et Vincent Andriuzzi, professeur de mathématiques. Selon le groupe de Cargèse, ces deux hommes s'occupaient des attentats sur le continent. Face à ces pièces du puzzle qui s'assemblent, il manque pourtant un élément central. Et pour cause, il est en cavale. Depuis ce jour de fin mai 1999, on est sans nouvelles d'Ivan Colonna. Les mois passent, puis les années. Son portrait est placardé sur tous les murs. Il devient familier, s'inscrit dans la mémoire des Français. Un visage qui s'impose, celui de l'ennemi public numéro un. Dans l'opinion, le statut de présumé innocent résiste mal à cette fuite. Les enquêteurs en ont la certitude. Ivan Colonna est toujours en Corse, où il bénéficie d'un réseau de soutien efficace et discret. D'ailleurs, il n'est pas rare de croiser sur les murs corses des inscriptions genre « Gloire à toi, Ivan ». Le mythe Colonna est en marche. Le 19 décembre 2000, après plus d'un an de cavale, le fugitif rompt le silence. L'Est républicain rapporte qu'Ivan Colonna vient d'adresser une lettre manuscrite à l'hebdomadaire nationaliste Uribombo. Une lettre écrite en langue corse que son frère Stéphane a authentifiée avant d'en révéler le contenu au quotidien L'Est républicain et dans laquelle Ivan Colonna affirme ne pas avoir participé à l'assassinat du préfet. « Je ne comprends pas, écrit-il, pourquoi deux membres du commando m'ont désigné comme le tireur. C'est à eux de dire pourquoi ils m'ont accusé et c'est à eux aujourd'hui de rectifier leur déclaration. » Poursuit-il dans cette lettre. Marius Moraccioli, France Bleu, Radio Corse Frequenza Amour pour France Inter. Le 2 juin 2003, le procès du commando s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Ils reconnaissent tous, comme ils l'ont fait en garde à vue, leur participation à l'assassinat. Tous, sauf Marcel Istria, qui lui n'avait rien dit au cours de son interrogatoire. En revanche, tous les membres du commando reviennent sur leur déposition et sur un point, la dénonciation de Colonna comme tireur. Et ils se rétractent. Ivan Colonna n'était pas présent ce soir-là. Quant à la stratégie de la défense, oh, elle est simple. Plaider l'acte politique. Colonna étant absent, il a été décidé de séparer son cas des autres. Cependant, l'ombre du principal suspect plane au-dessus des débats. Impossible de s'en défaire, on y revient toujours et encore. Et alors que le procès approche de la fin, le 4 juillet 2003, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, dans un meeting à Carpentras, le nouveau ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, interrompt le discours et prend la parole. La police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet. Je pense à cet instant à une personne, à Madame Erignac, qui a tant souffert, à son fils et à sa fille. Et cette arrestation, je veux la leur dédier. Après 4 ans, 1 mois et 11 jours de cavale, Ivan Colonna est arrêté. Mais la phrase précipitée de Nicolas Sarkozy ne manque pas de faire réagir. En effet, vous l'avez entendu, il dit l'assassin de Claude Erignac, s'asseyant tranquillement sur un principe que manifestement il a oublié et qui s'appelle la présomption d'innocence. Malgré une interruption, le procès du commando va finalement jusqu'au bout. Le 11 juillet 2003, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Didier Maranelli à 25 ans, Martin Ottaviani et Marcel Istria à 20 ans et José Versini à 15 ans. Voilà pour la cellule Cargèse. Pour la cellule du Nord, les deux professeurs, Jean Castella et Vincent Andriuzzi, sont aussi condamnés à de lourdes peines. Ils font appel. Reste le dernier procès, le plus attendu. Le 12 novembre 2007 s'ouvre le procès d'Ivan Colonna à la cour d'assises de Paris. Pour l'ancien fugitif, la bataille judiciaire commence. Depuis son arrestation, il n'a pas bougé, il se déclare innocent. Il n'a jamais appartenu au commando. La défense de Colonna a ses chances, puisqu'un an plus tôt, le 22 février 2006, les deux professeurs de la cellule du Nord ont été acquittés en appel. Leurs avocats ont réussi à démontrer que certains procès-verbaux avaient été trafiqués. Encore une fois, l'enquête et ses errements se retournent contre les forces de l'ordre. La stratégie de défense de Colonna s'appuie sur plusieurs arguments. D'abord, Pierre Alessandri, l'un des membres du commando, a adressé au juge d'instruction Laurence Levert et Gilberti, en charge de l'affaire, une lettre le 27 septembre 2004, un an après sa condamnation, dans laquelle il s'accuse d'être le tireur. Ensuite, les avocats de Colonna s'appuient sur l'absence de preuves matérielles. En effet, aucun élément ne prouve la présence de Colonna le soir de l'assassinat, et encore moins qu'il était le tireur. Tout repose donc sur les aveux circonstanciels des autres membres du groupe qui depuis se sont rétractés et sur les deux seuls témoins oculaires de l'assassinat. Pour France Inter, Christian Binet raconte leur audience au tribunal le 21 novembre 2007. Ce sont les deux témoins, les deux seuls qui ont vu le tireur. Elles passaient à ce moment-là en voiture, elles étaient à 2 mètres du trottoir scène du crime, la mère et la fille, la mère conduisait, détonation, elles voient deux hommes. Le plus près est grand, mais dit-elle, je n'ai pas vu son visage, plutôt une silhouette, une ombre, mais il était grand. Et je regarde Monsieur Colonna, c'est clair et net, ce n'était pas lui. La fille voit aussi deux hommes, un brun, un blond, et le blond est en train de tirer vers le sol, qu'elle ne voit pas, une voiture en stationnement lui cache la victime. Blond, de taille moyenne, 30-35 ans, dit-elle, nos regards se sont croisés, à l'époque j'aurais sans doute pu le reconnaître, mais aujourd'hui, elle se tourne vers le box, je suis formelle, ce n'est pas Monsieur Colonna que j'ai vu le soir des faits. Ah. Ce procès est aussi l'occasion de revenir sur le parcours de Colonna. Fils d'un député socialiste, il a adhéré tôt au mouvement nationaliste. Après les études pour devenir professeur de sport en métropole, il abandonne tout pour revenir sur l'île, devenir berger à Cargèse et défendre la cause indépendantiste. Une trajectoire singulière qui explique aussi l'un des tournants du procès. La ligne défendue par les autres membres du commando, celle d'un geste politique, symbolique et collectif, ne résiste pas à la fuite de Colonna et à sa stratégie de défense. Alain Ferrandi, le chef du groupe anonyme, condamné à perpétuité, est appelé à la barre. Ivan Colonna lui demande de proclamer haut et fort son innocence. Alain Ferrandi ne regarde pas Ivan Colonna, mais il répond « Je te connais, Ivan. Tu es un homme d'honneur. Si tu avais participé, tu le dirais. Par conséquent, tu n'y étais pas. » Dans la salle, le silence est lourd. Tout le monde comprend le double sens de la phrase. Le 13 décembre 2007, Ivan Colonna est condamné à perpétuité et fait appel. Le procès en appel, qui s'ouvre en février 2009, est émaillé de nombreux conflits entre la défense et le président de séance. Certaines informations ne sont pas transmises à temps aux avocats, ce qui provoque la colère des défenseurs d'Ivan Colonna. Pour marquer son opposition, l'accusé décide de quitter le procès. Les magistrats condamnent une chaise vide à la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est alors que la femme de Claude Erignac sort de son silence. Je suis choquée par le manque de courage d'Ivan Colonna. Je n'ai jamais été préparée à tout ce qui m'arrive. J'ai perdu mon mari dans des conditions terribles il y a 11 ans. Durant tout ce temps, j'ai attendu que la justice passe et je me trouve confrontée une nouvelle fois à la fuite d'Ivan Colonna. Vous pouvez comprendre ma souffrance face à cette attitude d'évitement. Finalement, un troisième procès est organisé au début de l'année 2011. Cette fois, Ivan Colonna change son système de défense. Il reconnaît avoir fait partie du groupe des anonymes, mais n'a pas participé à cette action. Le rebondissement de ce procès survient le jour où une lettre d'Ivan Colonna, envoyée depuis sa prison à Pierre Alessandri, datée de décembre 2010, est présentée. Elle est écrite en Corse. Elle fustige violemment les autres membres du commando. Le 20 juin 2011, Colonna est de nouveau condamné à la perpétuité sans peine de sûreté. Depuis, il clame toujours son innocence. Il aura fallu 13 ans pour que le dossier Erignac se referme. Il laisse derrière lui de nombreuses zones d'ombre dans le déroulé de l'enquête, dans les conflits larvés entre les différents services de police, dans les incroyables rebondissements qui ont émaillé son avancée et dans les atermoiements et contradictions des principaux accusés. Cette affaire met en lumière la singularité d'un conflit qui dure depuis bientôt 40 ans entre l'État français et une partie de son territoire. Face à cette situation, la République doit, en Corse sans doute plus qu'ailleurs, s'en tenir à la maxime de Blaise Pascal, qu'avait noté Claude Erignac dans l'un de ses carnets. La justice sans force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Affaire sensible, Fabrice Drouel. L'assassinat du préfet Erignac. Notre invité Jean-Michel Verne, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Marseille, dans les studios de Radio France, dans cette ville. Vous êtes journaliste, spécialiste des affaires criminelles et spécialiste de la mafia corse. Vous êtes l'auteur de nombreuses enquêtes et livres. Et récemment, vous avez dirigé l'ouvrage collectif intitulé « Juge en Corse », édité en janvier chez Robert Laffont. Vous avez été également directeur adjoint de la rédaction du quotidien Corse 24 heures. Voilà. Alors, nous allons aborder avec vous ces difficultés et dérives judiciaires en Corse, et puis le rôle de la mafia, mais... Restons un peu quand même sur l'affaire Erignac. Vous écrivez dans la préface de votre livre « Le terrible assassinat de Claude Erignac avait prouvé que la Corse changeait d'air, que tout devenait possible, surtout le pire ». D'emblée, on a le sentiment que cette affaire est évidemment hors norme. D'ailleurs, vous dédiez votre livre à Claude Erignac. Pour vous, est-ce que c'est le point ultime de la violence en Corse ? Disons que c'est le premier palier qui a été franchi et d'autres... Malheureusement, d'autres paliers ont été franchis par la suite. Mais c'est vrai que cet assassinat du préfet Claude Erignac a marqué un tournant. Un tournant dans l'histoire de la Corse, un tournant de l'histoire de la violence sur l'île. Pour la première fois, on s'en prenait un représentant de l'État en le tuant dans le dos. Ouais. C'est-à-dire que vous le tuez, mais vous n'avez même pas le courage de le regarder dans les yeux. Mmh. Et ça, c'est, je crois, ce qui a beaucoup choqué... l'opinion française en général, et la communauté corse a été vraiment extrêmement touchée. Moi, j'ai le souvenir d'un homme pleurant dans la rue suite à l'annonce de l'assassinat du préfet Erignac. Mmh, bien sûr. Donc ça, c'est pour le ressenti des Corses et des continentaux, hein, d'ailleurs. Mais est-ce que le crime maintenant est révélateur de ce qu'est la Corse en cette fin des années 90 en termes de violence et de dérive ? Si vous voulez, les choses commencent à s'amorcer au début des années 90. C'est à ce moment-là que moi-même, je commence à m'intéresser aux affaires corses. Hein. Mmh. Après avoir touché au dossier marseillais, au dossier varois, enfin, je sens qu'en Corse, il se passe beaucoup de choses. Ma première affaire, ça a été la catastrophe de Floriani, hein, qui a fait beaucoup bien de morts. Et on match a mis de football, en cause là, je rappelle, beaucoup match de gens, de football, des connivences entre certains nationalistes pour remplir le stade et d'une certaine façon ne pas suivre toutes les normes de sécurité. Enfin, il y a eu beaucoup de... on a parlé de détournement de billetterie. Enfin, voilà, on sent déjà qu'on est dans un climat particulier au début des années 90, qui est un climat qui va, je dirais, se détériorer avec cette grande guerre au sein du camp nationaliste entre le MPA et la Concorde, et il y a des morts de tous les côtés. Mmh. Et donc, tout ça va préparer le terreau. Ça va être le terreau de l'affaire Erignac avec cette mascarade de Tralonca, hein, où on organise, le ministère de l'Intérieur organise une conférence de presse du FLNC. C'est une histoire complètement dingue. On a vidé l'université de Corté, on leur a donné des armes. Tout ça pour mettre en scène l'arrivée du ministre dans l'île. Donc tout ça a créé un mouvement de révolte, je dirais, au sein des historiques du nationalisme insulaire et provoqué la naissance de ce groupe des anonymes. Et c'est très bien raconté, je le crois, dans ce livre par Roland Mailly, hein, qui a été procureur à l'époque à Bastia, puis par Jacques Dallest, qui le fut à Ajaccio. On sent bien, et puis par Bernard Legras. Auteur du fameux rapport Legras, qui était procureur général à Bastia. Et voilà, on comprend, on a une lecture transversale qui nous permet de comprendre comment on arrive, par les ambiguïtés de l'État, à cet assassinat abominable. Que dit le rapport Legras ? Alors, le rapport Legras... Dans ses grandes lignes. Il y en a eu deux. Hein. Mmh. Il y a eu un premier rapport sur la justice criminelle en Corse, où là, il s'est intéressé notamment à la difficulté de juger aux assises, les pressions sur les jurés et autres dysfonctionnements de la justice insulaire. Ensuite, le rapport Legras des années 2000, c'est celui qui met en scène la brise de mer, qui nous explique ce que c'est que la brise de mer et le poids que représente cette organisation criminelle dans l'île de Beauté. Et il dénonce, entre guillemets, la dérive mafieuse qui est en train de amorcé sur l'île de Beauté. Alors justement, il y a un problème d'image pour les Corses, et je crois qu'ils le ressentent comme ça, quand on fait la confusion entre les nationalistes et la mafia. Alors il faut faire la part des choses et nous expliquer cela. Alors oui, je veux dire, le mouvement nationaliste, il est légitime. Hein, il est apparu. Il est politique, oui, effectivement. Au travers, il est politique. C'est Edmond Simeoni qui est décédé récemment. Il y a eu l'affaire dite des Bouts Rouges. Ensuite, il y a eu l'histoire de la cave d'Aléria, où on a donné des terres à des gens venus d'Afrique du Nord, 75, des pieds noirs, pour les recaser sur la Corse au détriment des Corses. Enfin, on a fabriqué. Je dirais aussi le nationalisme corse qui est fondé sur des revendications légitimes, hein, celle de son identité, de sa langue, de vouloir préserver ses traditions, c'est très bien. Malheureusement, à un certain moment, une partie des nationalistes ont bifurqué, je dirais, vers le business et ce qu'on appelle une dérive mafieuse. Et ça a un peu entaché l'ensemble du mouvement nationaliste. Alors, je reviens sur l'affaire Erignac et ensuite on s'intéressera à votre livre. Yvan Colonna et sa cavale, évidemment. Écoutons une archive, il s'agit de l'un de ses avocats qui s'y exprime, Dupont-Moretti, maître Dupont-Moretti, lors du procès de 2011. J'apprends que les membres du commando et que leurs femmes ont été interpellées le 21 et je me sauve pas. Je passe à la banque, je suis vu par des tas de gens, ma téléphonie démontre que je me suis pas sauvé. Alors vous comprenez, la difficulté, c'est toujours pareil. C'est la façon dont on appréhende la présomption d'innocence. Si l'on veut regarder obstinément Yvan Colonna comme un coupable, je vous garantis qu'on va trouver. Si on veut, ne fût-ce que 5 minutes en un mois, se dire que cet homme est peut-être innocent, voire innocent, alors il y a un certain nombre de choses qui s'expliquent. La présomption d'innocence, au sens vrai du terme, c'est ce que je suggère ici. Que 5 minutes, on essaie enfin d'entendre cet homme. Bon, absence de preuves matérielles, effectivement, c'est un argument, mais quelle trace laisse Yvan Colonna aujourd'hui chez les Corses? Alors, et dans leur pensée collective? Écoutez, un jour j'ai eu un dialogue, c'était à la terrasse d'un café avec un Corse manifestement proche du milieu nationaliste, et il me dit ce que je comprends pas, c'est qu'on fasse et qu'on ne revendique pas. Donc cette absence de revendication, le fait que Yvan Colonna n'assume pas quelque part ce qui s'est passé, est assez mal vécu par une partie des nationalistes, disons-le. Et de l'autre côté, c'est quand même une figure qui, dans, je veux dire, la liturgie nationaliste, fait figure un peu de héros. Alors j'ai eu des fois des réflexions qui m'ont laissé un peu quoi. Par exemple, on comparait l'assassinat du préfet Erignac à l'assassinat de ces officiers nazis par les résistants communistes durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, étrange parallèle. Étrange parallèle, hein, et parallèle fait par quelqu'un qui est un personnage important du nationalisme à l'époque. Donc, si vous voulez, voilà, on est partagé. Hein. Il y a ceux qui disent c'est une infamie et qui le pensent toujours. Il y a ceux qui glorifient un peu Yvan, Gloriate Yvan. Hein, c'est donc un peu une figure comme ça. Mais globalement, là, il y a beaucoup de Corses qui pensent que l'assassinat de Claude Erignac, ça a été quelque chose de terrible, et de terrible pour l'image de la Corse. Mais bien sûr. Alors, j'en viens à votre livre. Il est donc intitulé « Juge en Corse ». Alors, c'est sous la direction de vous-même, Jean-Michel Verne, et vous faites témoigner des juges. Alors, sur quel constat? Sur le constat tout simple que être juge en Corse, c'est pas la même chose que d'être juge sur le continent. Évidemment, c'est ce qui ressort de ce livre, c'est que être juge en Corse, c'est pas comme être juge en Lozère. Vous êtes dans un contexte particulier, je dirais presque un biotope particulier, et du point de vue de votre vie professionnelle, du point de vue de votre vie personnelle, c'est forcément compliqué. Surtout si vous entrez dans une période tendue. Moi, je pense, vous avez toute cette séquence autour de l'assassinat du préfet Erignac, avec Jacques Dallest, avec Philippe Tocanier, avec Patrice Cambérou. C'est extraordinaire. On est dans un climat de guerre. Ouais. C'est quelque chose qui est surréaliste, avec des scènes surréalistes. Le livre regorge de scènes surréalistes. Par moments, on est, je vous dis, presque parfois dans le tragicomique. Oui. Et voilà, on a l'impression d'être totalement ailleurs. Et alors ces témoins, finalement, vous les avez sentis non seulement intéressés, mais soulagés de pouvoir témoigner, parler. Il y a une thérapie par la parole, là, quelque part? Oui, pour certains sans doute. Pour d'autres, il y a la volonté que de leur passage en Corse, il en reste quelque chose. Vous voyez que pour de jeunes magistrats qui lisent ce livre, ils apprennent des choses sur la Corse et ils le lisent avant de venir en Corse, travailler en Corse. Je crois que ça, c'était essentiel. Laisser une trace, apporter quelque chose, créer un outil pédagogique, à la fois à destination du public et à la fois à destination des professionnels. Vous dites avoir connu, avoir été confronté d'ailleurs vous-même aux embûches que les magistrats ont rencontrées sur leur route. Hein. Quand vous avez été journaliste en Corse pour le journal 24 heures, que voulez-vous dire précisément ? Ben, si vous voulez, vous connaissez la Corse. Moi, je la connais depuis très longtemps. J'y ai des attaches très fortes. Voilà, c'est des attaches de sang même. Hein. Et donc, c'est la Corse. C'est, je dirais, c'est ma terre. Hein, oui. J'y suis chez moi. Mais j'y viens pour les vacances. J'y viens pour travailler comme journaliste. Et puis un jour, j'y viens pour diriger un journal, un quotidien. Oui. Et là, je débarque à Bastia. Je comprends que pour quelqu'un du continent, entre guillemets, avoir un poste de responsabilité en Corse, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des réseaux, des influences, des pressions. J'ai vécu un peu tout ça et je comprends ce qu'ont vécu les magistrats au travers de ma propre expérience. Ça, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui s'est créé, je dirais un lien qui s'est créé naturel entre Nicolas Besson, qui quittait en juillet 2017 son poste de procureur de Bastia, et moi-même, lisant un article sur son départ. Je me dis, tiens, c'est intéressant, j'apprends qu'il est placé sous protection policière. Et là, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire parler ces magistrats, qu'ils racontent leurs histoires. Vous savez, les journalistes américains disent, il faut privilégier ce qui est humain. Alors, c'est ce que vous faites dans le livre. Vous écrivez dans la préface, « La mafia, ça ne s'imagine pas, cela se vit, cela se ressent, surtout », et vous citez Rosario Crocetta, figure emblématique de l'antimafia en Sicile, Cosa Nostra donc en l'occurrence, qui vous avait confié lors d'une interview, « Avant d'arriver aux responsabilités, j'avais l'idée de ce qu'était la mafia. » L'idée, hein. « Quand j'ai pris mes fonctions, je l'ai senti. » Les juges aussi l'ont senti, presque touché, il y a quelque chose de palpable quand on y est, j'imagine. Ben oui, tout à fait, ça devient physique, il y a quelque chose qui vous colle à la peau, qui est un peu parfois poisseux, un peu pégueux, je dirais. Vous avez beau vous doucher, c'est toujours pégueux, c'est toujours poisseux. Donc, vous avez quelque chose qui vous entoure, des gens qui vous entourent, parfois bienveillants, parfois qui le sont moins. C'est une ambiance, et c'est vrai que c'est difficile. Parfois, d'exercer sa profession, tout simplement, si vous touchez à des dossiers sensibles, que ça soit au niveau journalistique ou au niveau judiciaire, il faut s'attendre à des retours de bâton, à des retours de service. Eh oui. On peut dire en termes de tennis. Oui. Alors c'est pas la Camorra, c'est pas Cosa Nostra, c'est pas Drangheta, c'est pas les mafias italiennes. Quelles sont ces mafias corses? Alors, vous dites c'est pas les mafias italiennes. Moi, j'ai discuté, une journaliste italienne est venue m'interviewer il y a 3 jours, et elle m'a parlé de la mafia corse comme une véritable mafia. Hein. Elle l'a placée largement au même niveau que Cosa Nostra, Drangheta, Camorra. Hein. Pour elle, ça ne faisait aucun doute. Hein. Le mode opératoire, la façon de faire de cette mafia corse, comment ça se passe? C'est une mafia clanique qu'on pourrait rapprocher par certains aspects de la 'Ndrangheta, hein, donc cette mafia qui s'appuie sur des clans familiaux de la Camorra. Bon, il n'y a pas effectivement tout ce décorum initiatique qu'on retrouve dans les mafias italiennes, mais ça reste des structures fermées. On voit très bien comment fonctionnait la Brise de Mer. On voit très bien que ça fonctionnait par cercle, premier cercle, deuxième cercle, avec une solidarité, avec des enjeux financiers communs. Et à un certain moment, quand l'un ne respecte pas la loi du clan, ça dégénère. C'est ce qui s'est passé dans la guerre entre Richard Casanova et Francis Mariani. C'est-à-dire, développez s'il vous plaît. Donc j'y vais, oui. Donc Richard Casanova a voulu prendre son indépendance, si je peux dire. Et là, il a commencé à se rapprocher d'autres personnages. Il a pris, il a voulu prendre de plus en plus de pouvoir. Et Francis Mariani, qui était un des caciques de la Brise de Mer, s'est livré à une guerre sans merci. à tel point qu'il a assassiné Richard Casanova. Il n'a pas été jugé pour ça parce qu'il est mort entre-temps. Mais on sait que tout ça s'est terminé dans le sang. Et voilà, et c'est quelque chose, c'est l'escalade. Alors après, vous avez les héritiers, je dirais, de Richard Casanova qui se sont vengés. Il y a eu une autre vague d'assassinats. De toute façon, avec la mafia, quand ça va mal, tout se termine dans le sang. Ouais, et effectivement. Quelle qu'elle soit. Connue et qu'elle soit russe, italienne, ouais, corse. Ouais. Alors, quand la mafia sévit sur un territoire, ça génère, pour le coup, des actes de courage de l'État, des juges. Il y a eu des Falcone et Borsellino également en Corse. Vous citez Philippe Tocagnier, hein, magistrat, qui a subi une tentative d'attentat et qui a tout de même postulé pour le poste de procureur à Bastia. Quel courage, hein, ça renvoie au courage de gens comme Falcone ou Borsellino en Italie. Tout à fait. Surtout, je vous dis, dans des périodes qui sont tendues. Et on a eu des périodes comme la fin 2012, cet automne sanglant à Ajaccio. Vous savez, Ajaccio, par moment, quand vous rentrez à Ajaccio, vous marchez sur une flaque de sang. Hein. Il faut comprendre. Ajaccio, c'est là où on a assassiné Claude Erignac, mais oui, c'est là où on a assassiné Lucien Tirolloni dans les années 90. C'est là où on a assassiné Maire de Grosseto. Grosseto, c'est pas Ajaccio, mais c'est pas loin. C'est là où on a assassiné Marie-Jeanne Bozzi, qui était mairesse de Portici. C'est là où on a assassiné Antoine Solacaro. C'est là où on a assassiné Jacques Nasser, président de la Chambre de commerce. C'est là où on a assassiné Jean-Luc Chiappini, président du parc régional. Ouais. Voilà, vous avez une, le tableau, une large tache de sang et beaucoup d'affaires qui n'ont pas été malheureusement éclaircies aujourd'hui. Il ne nous reste que 30 secondes, ça va vite. Mais je voudrais lire cette phrase, je la trouve forte, dans votre livre. La Corse, c'est l'île de la fracture sociale gagnée par la violence ordinaire. Oui, c'est une phrase un peu... Vous savez, la violence va avec la fracture sociale. Pour beaucoup de ces membres d'équipes mafieuses, je dirais, la violence est un ascenseur social. Oui. Vous vous affirmez par la violence, vous vous affirmez par la peur que vous générez. Parce que la mafia fonctionne avant tout sur l'intimidation et la peur. Je dirais que l'assassinat, c'est l'échec. Alors Jean-Michel Verne, on aurait bien continué à discuter de ce dossier passionnant, mais l'heure c'est l'heure. Donc je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre livre, Juge en Corse, donc des magistrats se confient, sous votre direction, Jean-Michel Verne, et c'est chez Robert Laffont. Merci infiniment, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat du préfet Erignac, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour passer aux remerciements. Merci à Anne-Laure Cochet qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillère, Guillaume Ballandras, Adrien Carra et Simon Maisonob. Attaché de production, Valérie Friollet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Perez. Lecture, Philippe Pierrat. Réalisation, Jérôme Boulet et Coyenne Guyenne.